Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, la SECO, la commission d'enquête sur le crime organisé des années 70. Vous ne connaissez pas ce que veut dire mafia? Lei non sa che cosa significa mafia? Non. Non. Vous n'avez aucune idée de ce que je peux vouloir dire mafia? Lei non ha nessuna idea di che cosa vuol dire mafia? Non. Ça ne s'invente pas, le gangster sicilien Pietro Sciarra, qui dit le plus sérieusement du monde, ignorer la définition du mot mafia lors de son témoignage devant la commission sur le crime organisé en 1975. Pour la petite histoire, Sciarra va être assassiné en 1976 à sa sortie d'un cinéma de Montréal-Nord. Il venait de voir le film Le Parrain. La commission sur le crime organisé verra défiler devant elle les plus grandes figures du crime organisé de l'époque. Vic Cotroni, Paolo Violi, les frères Dubois vont tous comparaître devant la commission. C'est aussi à la SECO que sera révélé le fameux scandale de la viande avariée. Cette commission, dont les travaux seront diffusés à la télévision, va être extrêmement suivie par les Québécois. Et en marge des travaux de la commission, on va assister à plusieurs règlements de compte, assassinats et tentatives d'assassinat commandités par le crime organisé. Quand l'affaire de Charbonneau est arrivée, vous ne connaissiez pas non plus Charbonneau? Non. Pourquoi aller tirer Charbonneau si vous ne connaissiez pas? Écoute, je purge actuellement 8 ans pour ça. J'ai été condamné, j'ai été jugé. Là, je paye 8 ans pour ça. Je pense que j'ai assez fait. Vous ne connaissiez pas Charbonneau, vous m'avez dit ça. Pourquoi aller le tirer? C'est une folerie, c'est tout. Bon, écoutez, là, vous le connaissez pas? Non. Puis vous allez tirer Charbonneau? C'est ça. C'est pas une folie, ça. Il y a quelqu'un qui vous avait parlé d'aller tirer Charbonneau? Non. Personne vous a parlé d'aller tirer Charbonneau? Non. Vous êtes parti de chez vous tout d'un coup pour décider... C'est ça. Pourquoi avoir choisi Charbonneau d'abord? Monsieur Mouffier, sommes-nous d'accord que M. Charbonneau écrivait de longs articles très étoffés et très détaillés sur le crime organisé? Sommes-nous au moins d'accord là-dessus? La FTQ, toute cette affaire. Évidemment, il faut être logique, puis c'était pas une folie, puis vous êtes pas levé un matin puis dire « je vais aller tirer quelqu'un ». Bon. Des fois, on fait des affaires, tu sais, que... Ça se rapportait au moins aux écrits que M. Charbonneau faisait. Êtes-vous d'accord avec ça? Non. Tony Mucci, l'homme qui a tenté d'assassiner le journaliste à l'époque, Jean-Pierre Charbonneau, en 1973, qui témoigne donc devant la commission d'enquête sur le crime organisé le 26 novembre 1975 pour nous raconter l'histoire de la SECO. L'ancien journaliste, ancien député et ministre du Parti québécois, Jean-Pierre Charbonneau, qui a aussi été à la fois un témoin direct, il couvrait cette commission d'enquête sur le crime organisé, mais vous venez de l'entendre, d'une certaine manière, un acteur de cette commission sur le crime organisé. Jean-Pierre Charbonneau, bonjour. Bonjour. D'abord, Jean-Pierre, qu'est-ce que ça vous fait quand vous réentendez ce témoignage de Mucci? Ben, c'est très classique, là. J'ai l'impression, tu sais, j'avais le goût de rire un peu. Parce que... Ben oui. Et puis, je sais pas si dans le fond, si aujourd'hui, parce qu'il est toujours là, il est toujours vivant, s'il écoute l'émission, s'il va pas pouffer de rire lui aussi en s'entendant. Ouais. Parce que c'était clair que toute cette explication-là était tordue et parce qu'il voulait pas répondre. Et c'est sûr que c'est pas levé un matin, là. Il y avait une espèce de commande. Ben et oui. D'ailleurs, quand je l'ai reconnu, c'était à la SECO, peut-être un an et demi plus tard, il est accompagné par au Violi, était devenu un peu son garde du corps. Alors, j'ai l'impression qu'il avait été gratifié d'une façon ou d'une autre pour ce geste-là. Donc cet homme-là, le 1er mai 73, vous tire dessus au devoir. Qu'est-ce qui se passe? Puis pourquoi, au fond, il s'en prend à vous? Ben parce que j'écrivais depuis un certain nombre d'années constamment sur le monde interlope, mais en particulier sur l'organisation Cotroni, sur la mafia, qui était la principale organisation criminelle. Et comme on dit dans le jargon, je picossais. Donc, je faisais des liens. Puis quand la commission d'enquête a commencé ses travaux publics au début de 73, bon, quelques semaines ou mois avant que je me fasse tirer, mes reportages sur les audiences publiques et quotidiennes, je faisais plus de liens que mes collègues. Tu sais, je faisais pas juste rapporter ce qui avait été dit, mais je faisais en sorte que les gens comprennent qui étaient les personnages, qu'est-ce que ça voulait dire, ce qu'ils disaient, les questions qu'on leur posait. Donc, ça mettait beaucoup plus en perspective et ça donnait une couleur peut-être plus, à la fois plus dramatique et plus importante aux audiences publiques. Et c'est ça que je voulais, effectivement. Oui. Déjà, votre propre histoire, ce que vous venez de nous raconter, cet attentat contre vous, ça donne déjà une petite petite idée du contexte qui va mener à la création de cette commission-là, mais il y a plus que ça. Il y avait une commission avant, il y avait une opération policière. Parlez-nous de ça. Dans quel contexte naît la SECO? Bien, la SECO est née le 27 janvier 1972. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu une grosse opération policière conjointe entre la police fédérale, la GRC, la Sûreté du Québec et la police de Montréal. Mais c'était la GRC qui était responsable de cette opération d'écoute électronique là, contre le clan Cotroni, puis en particulier contre ceux dans le clan Cotroni qui étaient impliqués dans le trafic international d'héroïne. Et ces écoutes électroniques-là avaient permis, en 1969, 70, 71, d'apprendre un certain nombre de choses, dont notamment le fait que le chef de police de Montréal, qui était Jean-Jacques Saunier, qui était le frère du président du comité exécutif, le bras droit du maire Drapeau. C'est le maire Drapeau qui avait choisi l'inspecteur Saunier, qui l'avait d'ailleurs fait passer de capitaine à inspecteur. Alors, les gens avaient appris sur les tables d'écoute qu'il était, ce chef de police-là, en bonne relation avec le monde interlope et que les décisions qu'il prenait favorisaient le clan Cotroni. Alors, mais en janvier 1972, début de janvier 72, on devait entrer en vigueur la nouvelle police unifiée d'Île de Montréal, qu'on appelait la police de la communauté urbaine de Montréal. Et le maire Drapeau poussait fort pour que son chef de police devienne le chef de la police unifiée de l'île. Et les policiers qui savaient ça, puis qui savait ce qui était sur les écoutes électroniques. Il savait que le maire Drapeau avait été avisé de ne pas le nommer chef de police et qu'il l'avait fait pareil, sachant qu'il était un flic corrompu. Ils sont venus me voir comme journaliste et m'ont dit, moi, je commençais au devoir. J'avais écrit une série d'articles sur la corruption municipale à Saint-Laurent qui avait déclenché une enquête de la Commission municipale du Québec à l'été 71. Et puis, là, ils viennent me voir, ils me donnent des informations, je leur demande plus, et finalement, au début de janvier, en fait, la date exacte, c'est le 12 et le 13 janvier, au Devoir, on publie deux articles percutants sur, justement, le lien entre le chef Saunier puis mon interlope. Et évidemment, il n'est pas nommé chef de la police de la communauté urbaine. Et le gouvernement du Québec, une semaine plus tard, le 18 janvier, ordonne à la commission de police du Québec, ou commande à la commission de police du Québec, une enquête publique sur cette affaire-là. Ouais. Et moins de 10 jours plus tard, c'est-à-dire le 27 janvier, donc entre le 18 puis le 27, le gouvernement donne à la commission de police un mandat élargi. Non pas maintenant uniquement d'enquêter sur l'affaire Saunier, mais d'enquêter sur le crime organisé. Ouais. Ça, c'était une recommandation d'une commission d'enquête qui avait été sur l'administration de la justice, qui avait été initiée par Claude Wagner quand il était ministre libéral à l'époque, avant que l'Union nationale reprenne le pouvoir en 66, et qui avait été mis en œuvre par la suite par le gouvernement de l'Union nationale. Parmi les choses sur lesquelles s'était intéressée la commission Prévost, il y avait entre autres la première commission, mais ça c'était sur l'administration de la justice en général, mais elle avait pris un certain temps et fait un gros volume sur le crime organisé. Ouais. Et c'était la première fois qu'un organisme public identifiait, par exemple, Vic Cotroni et Luigi Greco comme les deux grandes figures dominantes de la pègre à Montréal. Alors, et le rapport proposait une enquête publique sur le monde interlope québécois, comme il y en avait aux États-Unis à ce moment-là. Donc ça, c'est le contexte, c'est le début, c'est ce qui va mener à la création de cette commission. En plus, je le rajoute, mais vous l'avez signalé, les articles. Vous publiez des articles qui sont très gênants politiquement, il y a une pression. Oui, et il faut juste savoir que cette enquête Vegas, à ce moment-là, elle avait découvert une autre affaire. Elle avait découvert le lien entre un ministre du gouvernement libéral, Pierre Laporte, et l'organisation Cotroni, deux des personnages les plus importants. Alors, moi, mon hypothèse, ça n'a jamais été démenti, y compris par celui qui avait ordonné les deux enquêtes, le Jérôme Choquette, qui était ministre de la Justice, c'est que, sachant que un journaliste avait eu accès à une partie de l'écoute électronique de l'opération Vegas, il se disait sans doute, il doit avoir aussi éventuellement, il aura peut-être accès, les policiers vont lui refiler l'autre affaire. Et en prévention, on est peut-être L'affaire Laporte. Alors, on est peut-être mieux de faire en sorte que la recommandation de la commission Prévost soit suivie. On aura toujours le prétexte ou l'excuse de dire, écoutez, on n'était pas pourris au point tel, on a eu le courage de lancer une commission d'enquête publique. Mm-hmm. Mais on voit le lien là, entre le moment où on demande à la commission de police d'enquêter sur l'affaire Saunier, puis qu'on élargit le mandat 10 jours plus tard. On se dit pourquoi? Ouais. Pourquoi aller si vite à ce moment-là? Et c'est dans la première partie des travaux de la commission, ce sont ces deux affaires essentiellement sur lesquelles on va se pencher, l'affaire Saunier et l'affaire Laporte. Juste un petit mot encore sur l'affaire Laporte, Jean-Pierre Charbonneau, parce que c'est intéressant. Votre directeur au Devoir à l'époque, vous donc, les policiers sont en beau fusil, trouvent que d'abord, là, ça avance pas assez bien, là, la première partie de la SECO, vous alimentent, veulent que l'histoire la porte sorte, que vous écriviez des articles là-dessus. Mais Ryan, Claude Ryan, c'est votre directeur à l'époque, lui, vous pouvez pas le publier. Il veut pas le publier parce qu'il trouve que, bon, Laporte est mort, il est assassiné par le FLQ et il trouve qu'il n'y a pas assez de preuves. Ouais. Moi, j'avais suffisamment de documentation. Et en plus, les policiers savait que quand la commission de police était penchée en 72 sur 73 en fait sur l'affaire Saunier, la commission avait pas voulu et puis le gouvernement leur avait pas donné les enregistrements d'écoute électronique. Ouais. Donc on n'avait jamais su tous les détails. Ouais. Alors moi je vais voir Ryan plusieurs reprises puis je lui demande et puis il veut pas. Alors quand je me suis fait tirer dessus le 1er mai 73, quelques semaines plus tard à l'hôpital, les policiers qui m'alimentaient ben me titillaient en disant écoute, si tu sors pas l'affaire, ben la presse va le sortir. Et puis à un moment donné, je me suis dit bon ben je garde ça pour un livre que je voulais écrire que j'ai finalement écrit plus tard. Mais là, je me suis dit, non, tu sais, t'as ton scoop, t'es jeune journaliste, tu dis, c'est pas un autre qui va le sortir. Et là, je suis allé parler, en fait, j'ai contacté Robert Burns, qui était le leader parlementaire de l'opposition officielle à ce moment-là. Pour que l'histoire sorte. Pour que l'histoire sorte. Il a posé des questions à Jérôme Choquette à l'Assemblée nationale, et tel que convenu, il a pas sorti les documents. C'est moi, au Devoir, qui les a sortis le lendemain. Parce qu'à ce moment-là, M. Ryan n'avait plus le prétexte de dire que on pouvait pas, tu sais, c'était sorti à l'Assemblée, puis c'était le méchant PQ séparatiste qui avait pris l'audit de faire la job. Ouais. L'insatisfaction, elle est grande. Vous le disiez, les policiers vous talonnent. Ça sort pas à leur goût. La SECO fait pas sa job. C'est un peu ça que les policiers pensent. Ce qui fait qu'il y aura un changement de garde. En 75, il y a un changement majeur à la SECO. Le juge Jean Dutil va prendre la tête de la commission. Il va être très, très important pour la suite des choses. Il va, entre autres, décider, c'est une de ses premières décisions, de télédiffuser les travaux de la SECO. Ça va être excessivement suivi par les Québécois. Ce sera aussi pour les Québécois cette histoire de l'existence d'un commerce de viande avariée qui va être exposé devant la SECO. Écoutez à l'époque, pour montrer à quel point les gens sont passionnés par cette commission, Micro-trottoir, réalisé en 1975. J'ai écouté un peu, oui. Mais je ne vais pas trop écouter parce que c'est décourageant. À ce point-là? Ah oui, ça m'a coupé l'appétit pas mal. Êtes-vous d'accord avec le fait que les audiences de commission d'enquête soient télévisées? Énormément, puis ça devrait être télévisé à journée. Est-ce que vous, le soir. Que vous êtes content de ce qui se passe à la commission d'enquête sur le crime organisé? Très content, mon cher ami, très, très content. Et comment ça? Ben, vous imaginez, on mangerait plus de charangue les prochains 5 ans, peut-être. Est-ce que ça change un peu vos habitudes de vie, de nourriture? Oh, ça change un peu, puis ça change pas beaucoup, parce que moi, je m'approvisionne chez des cultivateurs. Est-ce que ça a changé un peu vos habitudes? Non, parce que moi, j'achète, si j'ai un boucher, j'achète la viande en quartier. Alors, ce que je me doute de plus, c'est les restaurants où on achète les hamburgers et puis les hot dogs. Ça, j'ai un peu peur de ça. Quelle impression vous avez de savoir que vous avez peut-être mangé de la charangue pendant des années? Je suis pas surpris. On va en manger encore d'autres. C'est bien de valeur. C'est bon, on le savait déjà, puis ça existait depuis longtemps, puis ça va toujours exister. Jean-Pierre Charbonneau, les travaux de la commission passionnent le Québec. Le Québec est arrivé au petit écran chaque soir. Moi, je me souviens très bien, je regarde ça dans le salon avec mon père, comme on regarde la soirée du hockey le samedi soir. Là. Vraiment, c'est un phénomène. Mais c'est le meilleur show en ville. C'est un peu comme à l'époque de la commission Charbonneau ou encore de la commission Gomery. C'est clair. Et le juge du style, c'est un juge du style Gomery ou François Charbonneau. C'est un juge spectaculaire qui avait pas peur de rien, qui est un beauceron. Alors, lui, il avait donné un nouveau ton à la SECO. Ouais. Parce que, entre-temps, entre la première phase, qui était celle dirigée par le juge Brunet, qui était plus tiède, plus peureux et qui a pas été au fond des choses, finalement, il y a eu des élections. Puis là, je pense que le gouvernement a voulu donner une nouvelle impulsion, puis se refaire une virginité. Alors, il a changé le patron de la SECO. Et il faut savoir aussi que pourquoi on s'intéressait à la viande avariée, mais parce que les grands caïds montréalais étaient impliqués dans l'industrie de la viande. Vic Cotroni, son adjoint Paolo Violi, son ami et associé Armand Courville, était propriétaire de Reggio Food. Ça, c'était la fabrique de viande de pizza que toutes les pizzerias du Québec devaient s'approvisionner. Oui. Puis William O'Brien, qui était le banquier de l'organisation. C'est un caïd juif qui, lui, avait la salaison Alouette. Lui aussi, c'est un fournisseur. Et les policiers puis les gens savaient très bien que ces gens-là avaient alimenté tous les restaurants à Expo 67. Ben voilà. Et puis, pour donner aux auditeurs une idée de ce que c'est réellement et concrètement, un petit pis pour le ton, on va pas se priver de ça, témoignage de quelqu'un qui participe donc, qui est pas Cotroni, là, qui est plus bas dans, mais qui participe à ce commerce de la viande avariée. Témoignage de Léo Arcan à la SECO le 21 mai 75. Et M. Arcan, on va passer directement au vif du sujet. Est-il exact qu'il y a de la viande provenant des récupérateurs d'animaux morts ou malades qui s'en va en tonnes sur le marché de la consommation humaine? Oh, c'est bien vrai. C'est bien vrai. Oui, monsieur. Vous-même, vous avez contribué, je pense, à en vendre pour le marché de la consommation humaine une bonne part. Bien, une bonne part. Dans les années 67, 68. Dans les années 67, 68, oui. Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, l'histoire de l'Expo. L'histoire de l'Expo? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, dans l'histoire de l'Expo? L'histoire de l'Expo. J'ai ramassé de la viande en 66 pour vendre en 67 puis 68. Voulez-vous dire que vous avez stocké? Oui, j'ai stocké de la viande 67, pour 67. Puis on finit en 68, quand ils ont fait une enquête, là, ces derniers mois de l'année. Là. Oui. Là, on a lâché. Vous avez lâché, ouais. Parce que là, ça devenait trop hot. Trop hot, oui, ensuite, on n'avait plus. On n'avait plus de viande, on l'avait lâché. Le stock était fini. Ah oui, c'était fini. C'était rendu au bout. C'est extraordinaire, Jean-Pierre Charbonneau. Ça montre l'ampleur, là. Ça va être un commerce très, très important. C'était très important. Lui, c'était ce qu'on l'appelait à l'époque les charognards. C'était un des charognards qui approvisionnait, en fait, les entreprises de Cotroni puis les entreprises d'Aubron, et sans doute quelques autres aussi. Mais ces deux grands personnages-là, en fait, ces deux entreprises-là étaient détenues par des personnages majeurs du crime organisé montréalais. Alors, les gens qui, sur la ferme, ramassaient les carcasses ou vendaient, même s'ils savaient que la viande était plus consommable. Ouais. Il n'y avait aucun scrupule. Et ceux qui, finalement, eux, alimentaient les restaurants, encore moins. Alors, on s'est retrouvé finalement avec un immense scandale. Et là, les gens ont pris conscience de ce que ça voulait dire aussi, l'infiltration ou du monde interlope dans des entreprises légitimes. Ouais. Et comment, non seulement on pouvait blanchir l'argent, mais comment ça pouvait mettre en cause la santé publique et la sécurité publique des citoyens. Ils ont eu aucun scrupule à vendre de viande avariée pendant des mois et des mois à l'Expo 67. Et le Québec était on est chanceux qu'il n'y ait pas eu de mort, parce qu'il y aurait pu avoir des empoisonnements et puis, à un moment donné, se retrouver avec non seulement des hospitalisations, mais des morts. Ouais. Bon, ce scandale-là, évidemment, ça sera très, très suivi, scandale de la viande avariée. À la suite de ce scandale-là, la SECO s'attaque aux grandes familles mafieuses de Montréal. Pour quelle raison, M. Cotroni, dites-vous que vous n'êtes pas capable de témoigner? Je file pas bien. Pardon? Je file pas bien. De quelle façon vous filez pas bien? Ben, je sais pas moi, mais je sais pas quoi vous répondre là-dessus. Vous parlez lentement, là, et puis parlez un petit peu plus fort, là, plus dire, là. Comment? Je file pas bien. Vous filez pas bien. Non. Si vous, on vous permet de vous asseoir et puis de procéder par étapes, disons, de 30 minutes, puis faire des ajournements... Ça va être la même chose. Ça va être la même chose. C'est digne d'un scénario de série télévisée, Jean-Pierre Charbonneau, les extraits qu'on entend aujourd'hui. Vic Cotroni, le parrain Vic Cotroni devant la SECO en mai 76, il refuse de collaborer, de témoigner à la SECO. Paolo Violi va faire la même chose. Qu'est-ce que ça va William donner? William O'Brant également. Et ça va donner tous, quoi? Ils vont être condamnés pour outrage au tribunal, tous à un an de prison. Ce que, par exemple, on aurait pu voir à la commission Charbonneau si on avait eu un peu plus de bordant. Et, bon, c'est pas beaucoup parce que compte tenu de ce qu'on pouvait leur reprocher, mais n'oublions pas que les commissions d'enquête, c'est pas des procès. Ouais. Alors, est-ce qu'on va avancer sur la mafia? Qu'est-ce que ça va donner? C'est-à-dire que on va faire deux choses qui vont avoir un impact. C'est-à-dire, d'abord, on va obliger beaucoup de personnages qui étaient des victimes et aussi des personnages qui étaient des piliers de l'organisation à venir témoigner publiquement. En particulier, les gens vont pouvoir réaliser jusqu'où un certain nombre d'individus étaient important dans l'organisation. Juste de mettre le projecteur public de l'actualité sur ces individus-là, c'est déjà quelque chose de majeur. Et ça a eu comme impact de bouleverser le fonctionnement de l'organisation pendant un bon bout de temps. Parce que pendant que Cotroni Violi était en prison, ben il y avait des problèmes, des conflits internes dans l'organisation. Mm-hmm. Et ça a permis, par exemple, au Rizzuto, tranquillement... Voilà. On va changer de famille. On va changer de garde, puis à un moment donné, bon, bien, finalement, le pouvoir et l'influence du clan Cotroni et Violi, tranquillement, a été diminué, et en bonne partie à cause des audiences publiques de la commission d'enquête. Et c'est les Siciliens qui vont prendre le relais. C'est les Siciliens qui étaient membres de l'organisation, parce que Cotroni était membre de la famille Bonanno. C'était un capitaine de la famille Bonanno. Nous, on l'indique comme parrain de Montréal, effectivement, comme l'était Vito Rizzuto. Mais dans les faits, selon la hiérarchie de la mafia new-yorkaise, c'était un des membres des cinq familles. Il était capitaine de cette famille-là. Et la plupart des Québécois qui regardent donc les audiences de la SECO le soir à la télévision vont découvrir Jean-Pierre Charbonneau, parce qu'il n'y a pas que des Italiens là-dedans, le clan Dubois, les fameux frères Dubois. Rapidement, racontez-nous, qui sont-ils? Qu'est-ce qu'on leur reproche? C'est des anciens employés, d'une certaine façon, dans le domaine des cabarets, puis des bars, puis des petits trafics, des Italiens, en fait, de l'organisation Cotroni, mais qui, à un moment donné, ont voulu s'affranchir. C'était un groupe d'affaires, était une dizaine, des durs à cuire et qui emmenaient large dans le sud-ouest de Montréal, quartier Saint-Henri, coin de Saint-Charles, etc. Puis qui, à force de, avec le temps, ont développé leur organisation, leur emprise, et ils sont devenus finalement une organisation avec laquelle le clan Cotroni, la mafia italienne, devait compter. Oui. Et à un moment donné, ont pris une place importante dans le monde de ce qu'on appelle le crime organisé. Et il y a eu des partages de territoire, il y a eu des négociations, il y a eu des tensions aussi entre les Dubois. Sauf que la différence entre les frères Dubois ou l'organisation des frères Dubois, c'était une organisation de famille. Il n'y avait pas une hiérarchie. Oui. On visait pas à rendre permanente notre structure, notre organisation. Plus vulnérable. Non, c'est ça, bien sûr. Et quand les frères Dubois ont été attaqués par les services de police, plusieurs ont été arrêtés, accusés et emprisonnés, bon, mais ça a vraiment détruit l'organisation. Ce qui ne veut pas dire que certains d'entre eux n'ont pas continué après et ne sont pas nécessairement des gens influents. Ouais. Mais il n'y avait pas cette permanence qu'une organisation de type mafieuse a, c'est-à-dire une structure qui fait que quand certains individus quittent, sont assassinés autrement, ben il y a un remplacement. La relève est là, il y a des postes à occuper et on les remplit. Avec le recul, Jean-Pierre Charbonneau, quelle importance a eu cette commission d'enquête dans l'histoire plus large du Québec? Ça a créé une prise de conscience plus grande chez les Québécois de l'importance du monde interlope, de l'importance des organisations. Ça l'a fait en sorte que des noms qui étaient juste des noms deviennent des individus. Et le simple fait de démontrer au public, parce que c'est ça une commission d'enquête, c'est comment ça fonctionnait et comment la société pouvait être vulnérabilisée et souffrir également, plus ou moins consciemment, plus ou moins de façon complice aussi, quand les gens achètent des services illégaux, ils sont complices aussi, là. Jean-Pierre Charbonneau, c'était fascinant. Va falloir vous réinviter. Merci beaucoup. Ben, ça m'a fait plaisir. Jean-Pierre Charbonneau, ex-journaliste, ex-député et ministre du Parti québécois, auteur du livre La filière canadienne, publié en 1975. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.